Chapitre 12. Entre le double rideau de grands arbres qui de chaque côté encadre la route, depuis déjà quelques instants se montrait, pour disparaître aussitôt, à droite sur la pente de la colline, un clocher en ardoise, à gauche des grands combles dentelés d'ouvrages en plomb, et un peu plus loin plusieurs hautes cheminées en briques. « Nous approchons de Maraucourt, » dit Rosalie. « Bientôt vous allez apercevoir le château de M. Vulfranc, puis ensuite les usines. Les maisons du village sont cachées dans les arbres, nous ne les verrons que quand nous serons dessus. Vis-à-vis, de l'autre côté de la rivière, se trouve l'église avec le cimetière. » En effet, en arrivant à un endroit où les saules avaient été coupés en têtards, le château surgit tout entier dans son ordonnance grandiose, avec ses trois corps de bâtiment aux façades de pierre blanche et de briques rouges, ses hauts toits, ses cheminées élancées au milieu de vastes pelouses plantées de bouquets d'arbres qui descendaient jusqu'aux prairies où elles se prolongeaient au loin avec des accidents de terrain selon les mouvements de la colline. Perrine, surprise, avait ralenti sa marche, tandis que Rosalie continuait la sienne. Cela produisit un heurt qui leur fit poser le panier à terre. « Vous le trouvez beau, hein ?» dit Rosalie. « Très beau. Eh bien, M. Vulfranc demeure tout seul là-dedans, avec une douzaine de domestiques pour le servir, sans compter les jardiniers et les gens de l'écurie qui sont dans les communs que vous apercevez là-bas à l'extrémité du parc, à l'entrée du village où il y a deux cheminées moins hautes et moins grosses que celles des usines. Ce sont celles des machines électriques pour éclairer le château et des chaudières à vapeur pour le chauffer, ainsi que les serres. Mais qu'est-ce que c'est beau là-dedans ? Il y a de l'or partout. On dit que messieurs les neveux voudraient bien habiter là, avec M. Vulfranc, mais que lui ne veut pas d'eux, et qu'il aime mieux vivre tout seul, manger tout seul. Ce qu'il y a de certain, c'est qu'il les a logés. Un dans son ancienne maison qui est à la sortie des ateliers, et l'autre à côté. Comme ça, ils sont plus prêts pour arriver au bureau. Ce qui n'empêche pas qu'ils ne soient quelquefois en retard, tandis que leur oncle, qui est le maître, qui a 65 ans, qui pourrait se reposer, est toujours là, été comme hiver, beau temps comme mauvais temps. Excepté le dimanche, parce que le dimanche on ne travaille jamais, ni lui ni personne. C'est pour cela que vous ne voyez pas les cheminées fumer. » Après avoir repris le panier, elles ne tardèrent pas à avoir une vue d'ensemble sur les ateliers. Mais Perrine n'aperçut qu'une confusion de bâtiments, les uns neufs, les autres vieux, dont les toits en tuiles ou en ardoise se groupaient autour d'une énorme cheminée qui écrasait les autres de sa masse grise dans presque toute sa hauteur, noire au sommet. D'ailleurs, elles atteignaient les premières maisons éparses dans des cours plantées de pommiers malingres, et l'attention de Perrine était sollicitée par ce qu'elle voyait autour d'elle, ce village dont elle avait si souvent entendu parler. Ce qui la frappa surtout, ce fut le grouillement des gens, hommes, femmes, enfants endimanchés autour de chaque maison, ou dans des salles basses dont les fenêtres ouvertes laissaient voir ce qui se passait à l'intérieur. Dans une ville, l'agglomération n'eût pas été plus tassée. Dehors, on causait les bras ballants, d'un air vide, désorienté. Dedans, on buvait des boissons variées, qu'à la couleur on reconnaissait pour du cidre, du café ou de l'eau-de-vie, et l'on tapait les verres ou les tasses sur les tables, avec des éclats de voix qui ressemblaient à des disputes. « Que de gens qui boivent !» dit Perrine. « Ce serait bien autre chose si nous étions un dimanche qui suit la paye de quinzaine. Vous verriez combien il y en a qui, dès le midi, ne peuvent plus boire. » Ce qu'il y avait de caractéristique dans la plupart des maisons devant lesquelles elle passait, c'était que presque toutes, si vieilles, si usées, si mal construites qu'elles fussent, en terre ou en bois ourdées d'argile, affectaient un aspect de coquetterie au moins dans la peinture des portes et des fenêtres qui tirait l'œil comme une enseigne. Et en effet, c'en était une. Dans ces maisons, on louait des chambres aux ouvriers, et cette peinture, à défaut d'autres réparations, donnait des promesses de propreté qu'un simple regard jeté dans les intérieurs démentait aussitôt. « Nous arrivons, » dit Rosalie en montrant de sa main libre une petite maison en briques qui barrait le chemin, dont une haie tondue au ciseau la séparait. « Au fond de la cour et derrière se trouvent les bâtiments qu'on loue aux ouvriers. La maison, c'est pour le débit, la mercerie, et au premier étage sont les chambres des pensionnaires. » Dans la haie, une barrière en bois s'ouvrait sur une petite cour plantée de pommiers, au milieu de laquelle une allée empierrée d'un gravier grossier conduisait à la maison. À peine avait-elle fait quelques pas dans cette allée qu'une femme, jeune encore, parut sur le seuil et cria. « Dépêche-toi donc, Alleuse, en v'là une affaire pour aller à Péquigny. Tu t'auras assez câliné. » « C'est ma tante Zénobie, » dit Rosalie à mi-voix. « Elle n'est pas toujours commode. »« Qu'est-ce que tu chuchotes ? Je dis que si on ne m'avait pas aidé à porter le panier, je ne serais pas arrivée. »« Tu ferais mieux de te taire, arc-enseuse. » Comme ces paroles étaient jetées sur un ton criard, une grosse femme se montra dans le corridor. « Qu'est-ce que vous avez encore à argouiller ? » demanda-t-elle. « C'est tant Zénobie qui me reproche d'être en retard, grand-mère. Il est lourd, le panier. » « c'est bon, » dit la grand-mère placidement. « Pose là ton panier et va prendre ton fricot sur le potager. Tu le trouveras chaud. »« Attendez-moi dans la cour, » dit Rosalie à Perrine. « Je reviens tout de suite, nous dînerons ensemble. Allez acheter votre pain. Le boulanger est dans la troisième maison à gauche. Dépêchez-vous. » Quand Perrine revint, elle trouva Rosalie assise devant une table, installée à l'ombre d'un pommier, et sur laquelle étaient posées deux assiettes pleines de ragoût aux pommes de terre. « Asseyez-vous, » dit Rosalie, « nous allons partager mon fricot. Mais vous pouvez accepter ? J'ai demandé à Mère Françoise, elle veut bien. » Puisqu'il en était ainsi, Perrine crut qu'elle ne devait pas se faire prier, et elle prit place à la table. « J'ai aussi parlé pour votre logement, c'est arrangé. Vous n'aurez qu'à donner vos 28 sous à Mère Françoise. V'là où vous habiterez. » Du doigt, elle montra un bâtiment au mur d'argile dont on n'apercevait qu'une partie au fond de la cour, le reste étant masqué par la maison en briques, et ce qu'on en voyait paraissait si usé, si cassé, qu'on se demandait comment il tenait encore debout. C'était là que Mère Françoise demeurait avant de faire construire notre maison avec l'argent qu'elle a gagné comme nourrice de M. Edmond. Vous y serez pas aussi bien que dans la maison, mais les ouvriers ne peuvent pas être logés comme des bourgeois, n'est-ce pas ? À une autre table, placée à une certaine distance de la leur, un homme de 40 ans environ, grave, raide dans un veston boutonné, coiffé d'un chapeau à haute forme, lisait avec une profonde attention un petit livre relié. « C'est Monsieur Bendit, il lit son pater, » dit Rosalie à voix basse. Puis tout de suite, sans respecter l'application de l'employé, elle s'adressa à lui. « Monsieur Bendit, voilà une jeune fille qui parle anglais. »« Ah !» dit-il sans lever les yeux. Et ce ne fut qu'après 2 minutes au moins qu'il tourna les yeux vers elle. « Are you an English girl ?» demanda-t-il. « No, sir, but my mother was. » Sans un mot de plus, il se replongea dans sa lecture passionnante. Elles achevaient leur repas quand le roulement d'une voiture légère se fit entendre sur la route et presque aussitôt ralentit devant la haie. « On dirait le feuilleton de Monsieur Vulfranc !» s'écria Rosalie en se levant vivement. La voiture fit encore quelques pas et s'arrêta devant l'entrée. « C'est lui !» dit Rosalie en courant vers la rue. Perrine n'osa pas quitter sa place, mais elle regarda. Deux personnes se trouvaient dans la voiture à roues basses, un jeune homme qui conduisait et un vieillard à cheveux blancs, au visage pâle coupé de veinules rouges sur les joues, qui se tenait immobile, la tête coiffée d'un chapeau de paille et paraissait de grande taille bien qu'assis. « Monsieur Vulfranc, pain d'avoine. » Rosalie s'était approchée du phaéton. « Voici quelqu'un, » dit le jeune homme qui se préparait à descendre. « Qui est-ce ? » demanda Monsieur Vulfranc, pain d'avoine. Ce fut Rosalie qui répondit à cette question. « Moi, Rosalie, dis à ta grand-mère de venir me parler. » Rosalie courut à la maison et revint bientôt, amenant sa grand-mère qui se hâtait. « Bien le bonjour, Monsieur Vulfranc. »« Bonjour, Françoise. »« Qu'est-ce que je peux pour votre service, Monsieur Vulfranc ?» C'est de votre frère Omer qu'il s'agit. Je viens de chez lui. Je n'ai trouvé que son ivrogne de femme, incapable de rien comprendre. Omer est à Amiens. Il rentre ce soir. Vous lui direz que j'ai appris qu'il a loué sa salle de bal pour une réunion publique à des coquins et que je ne veux pas que cette réunion ait lieu. Mais s'il est engagé, il se dégagera, ou dès le lendemain de la réunion, je le mets à la porte. C'est une des conditions de notre location. Je l'exécuterai rigoureusement. « Je ne veux pas de réunion de ce genre ici. »« Il y en a eu à Flexel. »« Flexel n'est pas maraudcourt. Je ne veux pas que les gens de mon pays deviennent ce que sont ceux de Flexel. C'est mon devoir de veiller sur eux. Vous n'êtes pas des nomades de l'Anjou ou de l'Artois, vous autres. Restez ce que vous êtes. C'est ma volonté. Faites-la connaître à Omer. Adieu, Françoise. »« Adieu, Monsieur Vulfranc. » Il fouilla dans la poche de son gilet. « Où est Rosalie ?»« Me voilà, Monsieur Vulfranc. » Il tendit sa main dans laquelle brillait une pièce de 10 sous. « Voilà pour toi. »« Oh, merci, Monsieur Vulfranc. » La voiture partit. Perrine n'avait pas perdu un mot de ce qui s'était dit, mais ce qui l'avait plus fortement frappé que les paroles mêmes de Monsieur Vulfranc, c'était son air d'autorité et l'accent qu'il donnait à l'expression de sa volonté. Je ne veux pas que cette réunion ait lieu. C'est ma volonté. » Jamais elle n'avait entendu parler sur ce ton, qui seul disait combien cette volonté était ferme et implacable, car le geste incertain et hésitant était en désaccord avec les paroles. Rosalie ne tarda pas à revenir d'un air joyeux et triomphant. « Monsieur Vulfran m'a donné 10 sous, » dit-elle en montrant la pièce. « J'ai bien vu. Pourvu que tante Zénobie ne le sache pas, elle me les prendrait pour me les garder. » « J'ai cru qu'il ne vous connaissait pas. »« Comment ? Il ne me connaît pas. Il est mon parrain. » Il a demandé où est Rosalie quand vous étiez près de lui. « Dame, puisqu'il n'y voit pas. » « Il n'y voit pas ? Vous ne savez pas qu'il est aveugle ? Aveugle ? » Tout bas, elle répéta ce mot 2 ou 3 fois. « Il y a longtemps qu'il est aveugle ? » dit-elle. « Il y a longtemps que sa vue faiblissait, mais on n'y faisait pas attention. On pensait que c'était le chagrin de l'absence de son fils. » Sa santé, qui avait été bonne, devint mauvaise. Il eut des fluxions de poitrine et il resta avec la toux. Et puis un jour, il ne vit plus, ni pour lire, ni pour se conduire. Pensez qu'une inquiétude dans le pays, s'il était obligé de vendre ou d'abandonner les usines. Ah, ben oui, il n'a rien abandonné du tout, et il a continué de travailler comme s'il avait ses bons yeux. Ceux qui avaient compté sur sa maladie pour faire les maîtres ont été remis à leur place. Elle baissa la voix. Les neveux et M. Talouel, le directeur. Zénobie, sur le seuil, cria. « Rosalie, vas-tu venir, fichue calleuse ? Je finis de manger. Il y a du monde à servir. Il faut que je vous quitte. Ne vous gênez pas pour moi. À ce soir. » Et d'un pas lent, à regret, elle se dirigea vers la maison.